Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, Instruction familière sur le Magnificat, Instruction 6e, Les saints désirs et la bonne volonté. Le Seigneur a rassasié ceux qui étaient affamés, et il a laissé à jeun ceux qui n'avaient point faim. On ne peut nier que la prédestination ne soit un profond mystère et un secret impénétrable. Saint Paul n'a pu s'exprimer sur ce sujet autrement que par ces exclamations. « Aux profondeurs, s'écrit-il, des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles, que ses voies sont impénétrables. » Romains 11, 33. Je ne serai donc pas si téméraire que de prétendre sonder ce secret impénétrable, et comprendre cet inaccessible mystère. Néanmoins je veux m'efforcer d'en dire quelque chose, en tant seulement que cela peut nous être avantageux dans la pratique, c'est ce que je ferai en suivant la très sainte Vierge dans son admirable cantique. Il est tout à fait hors de doute que Dieu aurait pu, sans léser en rien sa justice, non plus que ses autres attributs divins, nous abandonner tous dans l'état de dégradation, où nous avait précipité la chute de notre premier père Adam. L'état surnaturel de la gloire n'est dû par justice à aucune créature, et bien moins encore à celle qui porte sur son front la marque ignominieuse du péché. Dans tout état possible, il faut une grâce d'un ordre surnaturel pour nous rendre propres à jouir d'une félicité surnaturelle. Or la grâce ne peut jamais être due par justice à personne, sans quoi elle serait et ne serait point grâce tout à la fois, selon le raisonnement de l'apôtre. Tout cela est en dehors de la question et ne présente pas la moindre difficulté. Mais nous ne sommes pas au bout. Supposez que Dieu ait résolu d'user de miséricorde envers le genre humain, supposez que par l'effet d'une miséricorde purement gratuite, il ait voulu remédier à nos maux, supposez la rédemption opérée par le Verbe fait chair, supposez qu'il ait la volonté sincère de sauver tout le genre humain, et que par suite il soit dans la disposition d'offrir à chacun la grâce sans laquelle le salut lui serait impossible, et moyennant laquelle il peut y parvenir. Supposez tout cela, dis-je, d'où vient que tous les hommes ne se sauvent pas? Voilà le point important, voilà quel est l'objet de nos présentes recherches. Que les partisans de Jansénius se taisent et ne me disent pas que beaucoup ne se sauvent pas, parce que Dieu ne leur donne pas la grâce du salut. Cette opinion met Dieu en contradiction avec lui-même, puisqu'elle lui fait dire en même temps, « Je veux le salut de tous, mais je veux qu'un petit nombre seulement se sauve, parce que je ne veux donner qu'à peu d'hommes la grâce sans laquelle le salut leur est impossible. » Je veux qu'ils se sauvent tous, mais je ne veux pas que tous se sauvent. Cette opinion nous représente Dieu comme le plus barbare de tous les tyrans, nous commandant des choses impossibles et qu'il sait fort bien être tel, nous refusant d'ailleurs l'unique secours qui puisse les rendre possibles, et néanmoins condamnant aux peines de l'enfer ceux qui ne les auront pas exécutés. Certes, le Dieu de Spinoza est vil, mais au moins il n'est pas injuste, la matière est méprisable, mais elle n'est pas tyrannique. Ainsi donc pour n'avoir d'autre Dieu que celui de Jansénius, mieux vaudrait rendre ses adorations à l'inerte matière. Aussi le jansénisme est-il, à mon avis, de beaucoup en dessous de l'athéisme et du matérialisme. N'espérons donc pas rencontrer la vérité dans la solution des jansénistes. Mais, pourrait me dire quelqu'un, Dieu était libre, d'après le supposé que vous avez admis comme certain, de refuser sa grâce à tout le monde, sans aucune injustice, Comment donc avancez-vous maintenant qu'il serait injuste en la refusant, cette grâce, à quelques-uns? Une pareille objection est spécieuse, ce n'est au fond qu'un vain épouvantail, dans le cas où Dieu aurait laissé le genre humain plongé dans son état de dégradation, il se serait abstenu de commander aux hommes de croire, et d'espérer qu'ils obtiendraient le salut par les mérites du Sauveur. Il ne leur eût pas commandé d'employer les moyens nécessaires pour arriver au ciel, et par conséquent il n'eût pas non plus condamné au supplice éternel quiconque les aurait négligés. Il n'eût pas commandé sous peine de damnation des choses qu'il est absolument impossible d'exécuter. Mais maintenant qu'il commande de croire au mystère de la rédemption, qu'il commande d'espérer le salut éternel, qu'il prescrit sous peine de damnation l'emploi des moyens indispensables pour se sauver, maintenant, dis-je, qu'il impose tous ses préceptes, s'il allait nous refuser la grâce sans laquelle il nous devienne d'une impossibilité absolue, la question changerait totalement de face. Dans une pareille supposition, on ne saurait plus justifier la conduite de Dieu, ni l'excuser de contradictions, et de tyrannies barbares et cruelles. Or, telle est précisément la doctrine des jansénistes, ils ajouteront que la prédestination est un mystère supérieur à la raison humaine. Supérieur, j'y consens, mais elle n'est pas contraire à la droite raison. Or la théorie que nous repoussons serait tout à fait en opposition avec cette raison qui est néanmoins l'un des plus beaux dons que Dieu nous ait fait. Elle ne peut donc pas être vraie. Que les jansénistes s'adressent à des êtres dépourvus de bon sens pour débiter de semblables extravagances. Si Dieu veut le salut de tous, il s'ensuit qu'il est prêt à accorder à tous les grâces nécessaires pour se sauver. Pourquoi donc tous ne se sauvent-ils pas? Nous voilà replongés dans la difficulté de nouveau. D'autres vous répondront, avec beaucoup plus de raison, que tous ne se sauvent pas, parce qu'il en est un grand nombre qui refusent la grâce que Dieu veut bien leur offrir. Votre perte, ô Israël, ne vient d'aucun autre que de vous-même. Osée 15, 9. C'est votre mauvaise volonté qui vous a perdu. Puissiez-vous vous être appliqué à mes préceptes, Isaïe 48, 18. Me voici sans cesse à la porte, et je frappe, Apocalypse 3, 20. Je me découvre à tous, je préviens tout le monde par mes grâces, si après cela la plupart des hommes refusent de me connaître. Si la plupart ferment volontairement les yeux à la lumière, ils ne doivent plus s'en prendre à moi de ce qu'ils sont plongés dans l'obscurité. Vous voyez que je ne fais point exception de personne, j'offre à tous mes grâces et mon secours, mais si vous les rejetez, ce n'est pas moi qui en suis responsable, je vous ai appelé, et vous avez refusé de vous rendre à ma voix. Proverbe 1, 24. Vous êtes donc tout à fait inexcusable, et je suis justifié dans mes jugements. Cette réponse est raisonnable, on ne peut le nier, mais elle ne me paraît pas complète, et n'est pas à même de dissiper tous mes doutes, car enfin je remarque qu'il n'est pas là si grand le nombre de ceux qui repoussent obstinément la grâce, et vont jusqu'à dire à Dieu, retirez-vous de nous ne voulons point connaître vos voies, Job 21, 14. Ces âmes désespérées sont peu nombreuses, la plupart, au moins parmi les fidèles, et même presque tous, sont loin de refuser la grâce, il semble au contraire qu'ils la veuillent, et qu'ils aient l'intention de se sauver. Pourquoi donc, même parmi ces derniers, tous ne se sauvent-ils pas? Voici, mon frère, quel est mon sentiment à ce sujet, tous ne se sauvent pas, même parmi ceux qui voudraient se sauver, parce que tous ne désirent pas le salut et la grâce. Une simple velléité est bien différente d'une volonté déterminée, sincère, d'un désir vif et animé. Or, c'est justement ce qu'il faudrait, dit fort sagement saint Augustin, il ne suffit pas de vouloir tout simplement la justice, si l'on n'éprouve pas une faim ardente de la justice. Eh bien cette faim salutaire, ce saint désir est ce qui manque chez la plupart des hommes. Ils veulent et ne veulent pas tout à la fois. Proverbe 13, 4. Mais comment vouloir et ne pas vouloir? C'est là, ce semble, une contradiction. Ils veulent la fin et ne veulent pas les moyens, comme l'explique l'abbé Guéric. Ils veulent se sauver sans se donner la moindre peine. Ils n'ont pas un véritable désir, ils n'ont pas faim de leur salut. Or les paresseux de ce genre seront renvoyés les mains vides, tandis que les pauvres affamés, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur plein des désirs du ciel, seront comblés de grâces et de bénédictions célestes. C'est ce qu'exprime la très sainte Vierge par les paroles que nous avons rapportées plus haut. Si donc, mon cher frère, nous ne voulons pas demeurer à jeun, ayons faim et soif de la grâce divine, de la justice, de la sainteté. Reconnaissons le besoin que nous avons de la miséricorde divine, reconnaissons notre misère, considérons les profondes blessures de notre âme, et cette connaissance nous portera à recourir à ce céleste médecin qui peut seul les guérir, et, qui plus est descendu du ciel en terre pour nous apporter les remèdes à nos plaies, Isaïe 61, 1, en un mot, ayons faim du salut et de la justice, et nous serons rassasiés, Matthieu 5, 6, bienheureux, a dit Jésus-Christ lui-même, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Cette faim salutaire nous rendra de vrais Israélites, de vrais enfants d'Abraham, non pas selon la chair, mais selon l'esprit, comme dit saint Paul. C'est à ces derniers que sont promises les bénédictions célestes, comme l'a exprimé encore la très sainte Vierge par les paroles suivantes, « Dieu a pris sous sa protection Israël son serviteur. » Se ressouvenant de sa miséricorde et des promesses qu'il avait faites au patriarche Abraham et à sa postérité pour toujours. Ainsi finit le sublime cantique de Marie, cantique qui surpasse en excellence tous les autres cantiques sacrés, cantique capable non seulement de réjouir notre cœur par sa suave et douce mélodie, mais encore de procurer à notre esprit les instructions les plus salutaires, et les plus propres à le diriger dans les sentiers de la vertu et de la perfection chrétienne. Heureux, mon cher frère, si nous pouvions exprimer en action plutôt qu'en parole tout ce qui est contenu dans ce cantique magnifique et divin. De concert avec la Sainte Vierge, nous publierions la gloire du Très-Haut. Nous nous abaisserions dans les sentiments d'une humilité véritable et sincère en la présence de Dieu. Nous soupirerions avec une soif ardente après les eaux des célestes fontaines. Nous serions saintement affamés de la nourriture d'en haut. Et en outre nous serions infailliblement abreuvés et rassasiés par ce Dieu. Si généreux qu'il n'attend de nous que la bonne volonté, les bons désirs, et les bonnes dispositions du cœur. Nous pourrions enfin chanter avec la très sainte Vierge les louanges de Dieu, non seulement pendant les quelques jours que nous avons à passer sur la terre, mais encore dans le ciel, durant la durée sans fin d'une éternité de gloire. Ô ma tendre mère, ma divine maîtresse, c'est à vous maintenant que je m'adresse. En qualité d'enfant, tout ingrat que je suis, vous m'avez cependant si souvent regardé d'un œil amoureux. Vous connaissez assez ma faiblesse et mon impuissance, vous voyez les circonstances au milieu desquelles je me trouve, elles ne paraissent pas fort propices, du moins les considérer des yeux de la chair. Je me vois enfin embarqué sur cette mer où vous m'avez vous-même exposé, je me vois en butte à la violence des flots et des vagues, sans pilote, sans gouvernail, sans voile, sans expérience. Il ne me reste que l'encre de l'espérance en Dieu et en vous. Mais cette encre même, que de fois n'a-t-elle pas été ébranlée et prête à se briser, qu'en serait-il de moi en pareil cas? Je serais ruiné sans ressources. Ayez donc soin de maintenir ferme cette encre sacrée. Je me vois jeté sur cette terre après laquelle j'ai si longtemps soupiré, mais hélas, que puis-je y faire, seul, pauvre, aveugle, plongé bien souvent, comme je le suis, dans un océan de tristesse, abattu par mille pensées affligeantes et sombres qui, tout en me représentant les difficultés sans nombre de l'entreprise, ne m'indique pas la moindre ressource qui pourra me venir en aide? Je me vois dans les chaînes sans pouvoir faire un pas. Tous les moyens me manquent, je manque de force, je manque de l'usage de la langue, et de la faculté de parler et de me faire entendre de mes bien-aimés frères. Note. Je puis dire avec vérité que ces pages à peine terminées, je me suis trouvé en état de donner deux cours d'exercice spirituel. S'il n'y a pas de miracle en cela, j'y reconnais au moins une faveur toute spéciale due à Marie. Fin de la note. Que puis-je faire? Rien, encore une fois, rien. Telle devrait être ma conclusion, à ne considérer que moi-même, mais j'aime à m'animer, à m'encourager en me tournant vers Dieu, et puis vers vous, ô ma mère, si des yeux de l'esprit je parcours les années qui se sont écoulées, je remarque une série d'événements, qui n'ont pu être conduits jusqu'ici que par la main de Dieu. Non, il n'était pas possible à l'industrie humaine de me faire parvenir au point où je me trouve, le doigt de Dieu est là, voilà ce que je dois dire. Les promesses que j'ai vues se vérifier me disent d'espérer ce qui ne s'est pas encore vérifié jusqu'ici. Je ne suis rien, je ne puis rien, le peu que je puis, je vous l'offre. Ces quelques pages ne sont qu'un faible tribut, un léger hommage que je vous offre, de cette terre qui m'est si chère. Je vous les offre comme les prémices de mes travaux dans cette nouvelle mission. Recevez aussi, ô ma mère, conjointement avec elle, mon pauvre cœur, recevez ces jeunes gens qui vivent maintenant sous ma direction, recevez cette petite et fidèle congrégation dont j'ai été chargé. Recevez sous votre protection l'Angleterre tout entière. Obtenez-nous de Dieu les grâces nécessaires pour la conversion et le salut de tous. C'est en vous, après Dieu, que reposent toutes mes espérances. Songez donc à agir de telle sorte que je ne sois pas confondu dans mon attente. Amen. Aston Hall, le 2 mars 1842. Omnia in gloriam Dei, tout à la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10:31. Markem dan Archivorg 2023. D'après Books Google et faire licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.